Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Donc aujourd'hui, la suite d'une nouvelle, La musique de l'univers, écrite par Steve Martins. Allez, on va partir un petit peu dans le psychédélique cette semaine. Allez, je commence. Donc, la musique de l'univers, je vous donne peut-être un petit résumé tout court. C'est donc Reda qui invite Malek, un percussionniste, qui joue de la darbuka. Et il est dans un studio d'enregistrement tout à fait spécial, technologique, pour nous offrir un bruit mathématique, d'après ce que j'ai compris. Je vais donc continuer, vous comprendrez peut-être mieux que moi encore. Comment expliquer en mots simples cette sensation? Une dissociation du corps et de l'esprit, un dédoublement, peut-être une expérience de voyage astral. Pour ce qu'il en savait, son enveloppe charnelle était toujours rivée à son tabouret. Il avait pleinement conscience des sons qui l'entouraient, mais une partie de son esprit dérivait loin au-delà des frontières physiques, en des lieux et formes étranges qu'il ne faisait que deviner. Ses sens lui jouaient-ils des tours ? La musique, aussi bizarre soit-elle, pouvait-elle ouvrir des passages vers d'autres lieux ? Un moment, il galopait au sein d'une horde de chevaux sur une plaine sans fin baignée d'aurores boréales, des lacs de mercure où il croisait la route d'amphibiens anthropomorphes. Un saurien géant le toisait l'instant d'après. Il survolait des montagnes ou des nappes de magma en fusion. Puis, il devint un atome, égaré dans le macro-univers de l'infini petit. Et quand il rouvrit les yeux ensuite, flottait-il dans l'espace ? Probable, mais pas dans la conception habituelle que l'on s'en faisait. Ce paysage se situait à une échelle bien plus élevée et grandiose. Il contempla des galaxies entières tressées de minuscules perles lumineuses, des soleils peut-être. Face à lui, des nébuleuses se formaient en une lascive danse d'éternité. Il vit des trous noirs aspirer et concasser le noyau de la matière. Une supernova dévora le cosmos de sa radiance totale et originelle. De tels événements pouvaient se dérouler sur plusieurs millénaires, mais défilèrent en une fraction de seconde à ses yeux. Le temps n'avait plus de prise ici. Lorsque la lumière s'estompa suffisamment, il aperçut un groupe de silhouettes loin au-dessus. Était-elle déjà présente lors de son arrivée ? Il n'aurait su le dire. Mais quand il voulut les rejoindre, l'immensité résonnait de notes musicales. Leur musique. Une musique flamboyante, une musique de la création, nimbée de sa propre perfection. Arrivé à leur hauteur, il réalisa alors l'échelle écrasante de ces musiciens célestes. Ces êtres, d'un bleu électrique et de nature divine, il en était persuadé, culminaient à plusieurs kilomètres de hauteur, monuments vivants à la gloire de l'éternité. Leurs instruments, Malek se sentait à leur côté aussi insignifiant qu'un acarien. Incrédule, il observa la scène qui se jouait devant lui. Ces entités des étoiles, pas plus d'une demi-douzaine, jouaient leur majestueuse partition. De celles-ci naissaient d'innombrables volutes lumineuses. En les suivant des yeux, il nota alors qu'elles se muaient progressivement en filaments d'un vert émeraude. Se perdant ensuite dans les noires infinités en de longues et graciles contorsions, il ne les dénombra pas. Ces dernières se comptaient au moins en millions. « Pardonnez-moi, qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix de petit garçon. La musique pour seule réponse. « Qui êtes-vous ? Où suis-je » répéta-t-il à leur adresse. Des harmoniques baignées de lumière tintèrent aux oreilles de Malek, totalement envoûtées. « Que faites-vous avec cette musique ? Est-ce que c'est vous qui créez les mondes ? » À cette question, une réponse se matérialisa dans son esprit, les musiciens révélant ainsi une partie de leur don. « Nous jouons. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends plus rien. Nous jouons. Êtes-vous des créateurs? Nous jouons, pas créer, seulement maintenir. Cohésion de toutes choses, termina une autre de ces entités. Tel est notre but. Est-elle celui de notre musique ? » Malek tenta d'assimiler ce concept et de le soumettre à un raisonnement quelconque. Mais, et ça, fit-il en montrant les lignes d'énergie couleur jade, vous le créez bien de toutes pièces, non ? L'univers existe déjà, nous n'avons aucune prise là-dessus. Trames ne sont qu'un ciment, consolider ce qui est déjà, voir l'une d'elles. Incapable d'ouvrir la bouche, il se contenta de hocher la tête. Sa curiosité et sa soif de vérité l'avaient amené ici, puisqu'il y était, autant boire le calice jusque la lie. Une soudaine poussée le propulsa jusqu'à l'une de ses trames. L'évidence lui sauta alors au visage. Ces trames étaient des fils d'Ariane de notre existence, tissés de la totalité des souvenirs et des possibilités d'une vie. Leurs ramifications, du fait de nombreuses impondérables, étaient multiples. Et plus étonnant encore, non linéaires. Certains moments se croisaient et se dédoublaient, mais il n'y avait en réalité ni de début ni de fin. L'impression de linéarité n'est qu'une illusion. L'instant T n'existe pas, songea-t-il. Dans les strates du temps, toutes choses se chevauchaient et s'entrechevêtraient continuellement. Le cerveau a beau ordonner des événements de façon à ordonner un sens et une stabilité au moment vécu, au-delà, au sein de continuums et de dimensions que nous ne soupçonnons même pas, les instants de nos vies défilent le long de boucles aléatoires pour lesquelles la dénomination de cycle a tout d'une farce. Pourtant, ils couraient le long de ces matrices avec fluidité, tressés les uns aux autres grâce aux accords élégiaques des musiciens. Par quelque volonté omnisciente, ces derniers reliaient et coordonnaient les balises temporelles et modelaient ainsi les lignes de probabilité pour en faire des ensembles harmonieux. Cette musique exprimait la quintessence des forces absolues et contradictoires qui régissaient l'univers. Leur essence primordiale. Non, les musiciens ne créaient pas. Ils s'emparaient de la matière déjà créée pour la reconfigurer à travers le prisme fondateur de leur musicalité. Ils étaient des intendants ou des contremaîtres de la création. Malek assimila cette révélation dans le souffle d'une respiration. Une série de flashs et d'instants figés se succédèrent dans la trame et un moment, il crut même apercevoir un autre individu remonter le cours de celle-ci. Un jeune homme d'une trentaine d'années semblait se demander, tout comme lui, la raison de sa présence ici. Cette cascade de sensations métaphysiques était engourdissante. Puis, tandis que le trop-plein d'images et de sensations menaçait de le submerger, une puissante traction le ramena à sa position initiale. « C'est complètement fou, insensé !» fit-il à l'adresse des musiciens. Ceux-ci continuaient à jouer, impassibles, indifférents au bouleversement émotionnel de l'humain à leur côté. Mais, de nouveau, un mélange de paroles et de pensées ondulèrent à la lisière de sa conscience. « Comprends-tu maintenant pourquoi ? Sans trame pour lier et ordonner, existence s'effiloche dans le vide. » Un accord grinçant troubla subitement la beauté de leur symphonie. Mais d'autres jouent leur propre musique, modifient et altèrent l'ordre des choses. Comme pour donner raison à ces affirmations, Malek vit bientôt apparaître une parade ténébreuse à l'extrême limite de son champ de vision, quelque part aux confins des galaxies, pourtant déjà si proches. Une brume de sonorités menaçantes et discordantes accompagnait la procession, tel un nuage de désespoir. Ces choses traversaient l'univers pareilles à des vagabonds lépreux, répandant mort et destruction dans leur sillage. « Mon Dieu !» murmura le musicien en observant le poison de leur passage se répandre parmi les étoiles. « Ceux de ton espèce les attirent à eux par l'ignorance. » Cupidité, folie, vanité. Il voulut leur demander comment s'en prémunir, mais une autre question lui brûlait les lèvres. « Comment vous nommez-vous ? » « Il est l'heure pour toi de retrouver les tiens, propre trame, mais avant cela, garde foi en toi, en tes valeurs, ton amour, et n'oublie pas notre musique te guidera. » Déjà la musique de ces divinités qui taisaient leur nom commençait à décroître. Malek aurait tout donné pour rester là quelques instants supplémentaires et apprendre, emmagasiner, appréhender toutes les vérités prononcées en ce sanctuaire du savoir. Mais l'heure du départ était venue, ces êtres ou l'inertie du destin en avaient décidé ainsi. Valnayamar ou Altessian, dans ta langue, signifie « musicien de l'univers ». Il perçut ces derniers mots à travers les dimensions et temporalités qui se refermaient autour de lui. De là où il était venu, il retournait. Les contours du panorama cosmique se dissipèrent progressivement pour laisser place à un kaléidoscope de couleurs et de formes. Bribes d'outre-monde à peine entreaperçues. Bientôt, il reconnut néanmoins les bourgeons d'objets et de lieux familiers. Quelques instants supplémentaires et il regagna son corps, assis sur un tabouret, un instrument à la main. Mais quelque chose clochait. Le studio était vide, aucun musicien à ses côtés, pas même Reda. Une épaisse couche de poussière recouvrait l'endroit. Les instruments de musique et de mixage, de même, présentaient l'aspect miteux de rebuts de grenier. Plusieurs années s'étaient-elles écoulées depuis son départ ? Incertain, il se leva et fit le tour de la pièce. Il s'approcha d'une viole égyptienne et l'effleura à peine. Celle-ci s'affaissa, gorgée de moisissures, son caisson en lambeaux. Malek ressentit un frisson d'angoisse. Il eut bien envie de crier quelque chose à l'encontre de ses amis disparus, mais choisit plutôt de quitter le studio. Le reste de la villa présentait les mêmes signes de décrépitude. Que s'était-il donc passé ici ? Il en eut la réponse terrifiante, en ouvrant la porte et en contemplant le paysage de désolation qui s'étendait au dehors. L'homme s'étrangla de stupeur. Tout n'était que ruine et dévastation. Plus d'arbres, plus de routes, immeubles désagrégés, vestiges calcinés d'une guerre atomique ou d'une catastrophe nucléaire qu'il n'osait même pas concevoir. De la fumée partout, des cendres. Et au loin t'entendis accommoder sa vue afin de mieux les distinguer, l'ombre de masques titanesques errant au milieu des décombres. Il n'en discernait pas les détails, mais reconnut l'empreinte des créatures de discorde. Une brume de miasmes dissonants semblait planer au-dessus. « Seigneur, dites-moi que je rêve » chuchota-t-il, le regard halluciné. Soudain, l'une de ces choses, les immeubles encore debout, semblables à des nains de jardin à leur côté, tourna sa masse vers lui et il sut, dans un éclair de lucidité, qu'il venait d'être identifié comme un intrus. La créature allait bientôt s'avancer et venir le réduire en purée sanguinolente. Il ne prit pas la peine de vérifier son raisonnement. Il fit volte-face et courut se terrer à l'intérieur. Seul problème, il ne savait comment retrouver sa trame. « Pas grave, se dit-il, en grimpant les marches deux à deux. On verra ça une fois là-haut. » Deuxième porte à gauche, il s'engouffra dans le studio haletant. « Bien, et maintenant ?» Et il regarda son instrument, inexplicablement préservé de l'usure du temps, d'un air stupide. Qu'avaient dit les musiciens déjà ? qu'il garde foi en son art et en ses principes. Était-ce là le rempart contre ces choses innommables ? Déjà des vrombissements telluriques secouaient murs et sols. Le titan se rapprochait. Fou d'angoisse, Malek s'installa, mais le tabouret de bois pourri s'écroula sous son poids. Alors il croisa les jambes au sol et fit ce qu'il savait faire de mieux. Il joua. La terreur et la perspective de quitter ce monde apocalyptique lui donnèrent l'impulsion. Le reste suivit. Même s'il en mourrait, il jouerait jusqu'à la fin. La musique était sa vie, son âme et son pouls. Il vivait par elle et elle le guidait, tout comme les Altésiens l'avaient affirmé. Et en cet instant crucial, elle lui montrerait la voie. Ou bien il disparaîtrait sous un tas de ruines fumantes. Soudain, une détonation pulvérisa le mur d'en face. Une pluie de gravats les gratigna au passage. Les yeux exorbités, mais sans s'arrêter pour autant, Malek observa avec effroi une griffe de la taille d'un camion s'immiscer dans l'ouverture. Celle-ci s'avança, avide, mais manqua sa prise. Un simple frôlement et il n'en réchapperait pas. Médusé d'horreur, l'homme accéléra le rythme et maltraita son instrument à en fendre les peaux. Enfin, le processus tant attendu s'amorça. La musique dictait ses propres lois. Les substances s'amollissaient, les contours s'estompaient. Mais avant que toute chose n'ait perdu leur netteté alentour, l'éclat d'un œil monumental et inhumain s'encadra dans la fissure. « Enfuis-toi, humain, mais nous pouvons te retrouver et vous exterminer, » semblait-il insinuer. « Ouvrez-nous juste la porte, » semblait-il insinuer. Sur cette note glaçante, l'homme entama son voyage retour, et tandis qu'il cheminait à travers des boucles parallèles et courbes sinusoïdales le long des espaces, la réminiscence de cette pupille fendue s'ancra en lui. La promesse d'un anéantissement concret séparé par un simple mur de carton. Mais déjà, il commença à sentir à nouveau les terminaisons nerveuses dans ses doigts, la chaleur sur sa peau et autre chose. Il réintégra son corps inerte en culbutant et atterrit droit dans un amas de câbles et de pédales. D'un coup, ses amis affluèrent autour de lui, paniqués, le remettant sur pied en lui posant mille et une questions à la fois. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Pendant que tu jouais, tu es devenu livide et ce sang sur ton visage ?» Les yeux encore remplis de visions délirantes, son esprit bégaya quelques instants. Il avait à la fois tout et rien à dire. Venant de vivre l'expérience la plus folle et excitante de sa vie, il pourrait tout leur raconter, ou du moins essayer. Toutes choses merveilleuses et terrifiantes dont il avait été témoin. À quel point cela l'avait affecté et affecterait probablement le reste de son existence. Oui, il pourrait passer des heures à leur narrer tout ce qu'il vit, entendu, ressenti et mieux encore, ce qu'il ne pouvait pas dire. La teneur de son expérience s'inscrivait dans un schéma bien trop mystique et abstrait pour être transmis à des oreilles profanes. Il prit une inspiration, puis tendit l'oreille à l'écoute de quelques voix intérieures, ou peut-être la note ténue d'une musique céleste. Quelque part dans le lointain, satisfait, il hocha la tête et esquissa un sourire. J'ai vu l'éternité et j'ai contemplé sa musique. Une unique larme coula sur sa joue et ce fut tout. Eh bien, voilà la fin. Écoutez, je vais donc vous laisser avec la musique d'une Darbuka, Rhythm Solo. Passez une bonne semaine sur Radio Gemozo et à tout bientôt.